Je rêve d'un matin où on pourra s'émerveiller, contempler le soleil, simplement se lever. Je rêve d'une nuit sans plus chemin ni peur, où l'on dormirait si bien sans penser au malheur. Je te le dis mon fils, les hommes sont devenus fous. Le monde leur appartient, les suivants ils s'en foutent. Le prédateur de l'homme est devenu lui-même. Et s'il y a un créateur, sa bête est inhumaine. Crois-moi mon fils, on n'est pas tous comme ça. Il y en a qui veulent vivre, d'autres qui n'y pensent pas. Ils préfèrent le profit, la haine et le pouvoir. Mais ils détruisent leur peuple et les plongent dans le noir. Je te le dis mon fils, ce monde va bien mal. Et c'est à vous d'en faire votre monde idéal. Nous avons échoué, certains ont oublié qu'ils étaient des enfants avant d'être des meurtriers. Je garde l'espoir tant que les gens se dressent, qu'ils ouvrent leurs yeux et voient l'homme est bon parfois. Qu'on déclare la guerre en se basant sur un mensonge, qu'on crache des avions, c'est la même haine qui ronge. Qu'on fasse sauter des bus, prenne des gosses en otage, c'est à la race humaine qu'on fait un ultime outrage. Enfin, les hommes réagissent, ils ouvrent enfin leurs yeux sur ce monde qui glisse. Alors un peu partout, en groupe solidaire, ils montrent aux inhumains qu'ils ne sont pas seuls sur terre. Des bombes dans un train, des millions de gens dans les rues, pour dire aux assassins, ça jamais plus, on connaît tant d'horreurs. Tous les jours de nouvelles, on lit dans les journaux, les infos s'amoncellent. Et je garde l'espoir, tant que les gens se dressent, qu'ils ouvrent leurs yeux et voient, l'homme est bon parfois. Je garde l'espoir, tant que les gens se dressent, qu'ils ouvrent leurs yeux et voient, l'homme est bon parfois. Alors à toi mon fils, je présente mes excuses. Je veux que tu saches que ces gens que j'accuse, qu'ils soient fous, racistes, voire même présidents, ils ont tous oublié qu'ils ont été enfants. Un jour, j'en suis sûr, le monde sera meilleur, et ce jour-là, on chantera en chœur. Je garde l'espoir tant que les gens se dressent.